Chapitre 6e. 10 minutes ne s'étaient pas écoulées depuis son entretien mouvementé avec les fonctionnaires du consulat germanique que Lord Launceston Stamford, douillettement installé dans une des autos de l'ambassade, aux portières ornées du propre blason de l'ambassadeur Bosch, s'il vous plaît, roulait à toute vitesse à travers Broadway. Certes, aucun de ceux qui l'avaient approché, soit à bord du König Harald, soit dans le cabinet du juge, n'aurait pu le reconnaître. Le noble lord avait garni son menton d'une barbe épaisse et jaune et caché ses yeux derrière une admirable paire de lunettes rondes à monture d'or qui le faisait ressembler à un indiscutable Bosch. Un passeport en règle, fourni par l'ambassade allemande, et faux, naturellement, devait le mettre à l'abri de tout ennui avec la police. Et concurremment avec le dit passeport, une épaisse liasse de billets du trésor américain gonflait sa poche. L'auto, qui avait des ordres, s'arrêta devant le petit jardin de Battery Park, au confluent du Hudson et de l'East River. Lord Launceston Stamford, étant descendu, fit signe de la main au chauffeur de s'en retourner, et à petits pas, se dirigea vers l'embarcadère du ferryboat de Liberty Street. Il n'avait pas parcouru 50 mètres qu'un sourire sardonique tendit légèrement ses lèvres. Grâce à un minuscule miroir dont était muni le verre de ses lunettes, il venait de constater que deux hommes vêtus comme des ouvriers le suivaient. « La confiance ne règne pas, en Germanie, » murmura-t-il à part lui. « Enfin, ces deux artistes n'auront pas perdu leur temps, après tout. Je vais leur montrer comment on s'aime les curieux. » Sans se hâter, Lord Stamford tourna sur sa droite et s'engagea dans la Rector Street et arriva ainsi devant une des stations de l'Elevated Railway, le métropolitain de New York. Sans affectation, il leva la tête. Un convoi arrivait dans la direction de Morningside. Vivement, Lord Stamford escalada les escaliers de fer de l'Elevated, fendit la foule qui se pressait sur le quai et s'engouffra dans le convoi juste au moment où celui-ci démarrait. Debout à une des portières, il eut cependant le temps d'apercevoir la mine déconfite de ses suiveurs arrivés sur le quai 5 secondes trop tard. « Pas assez fin, les buveurs de bière, pour jouer avec moi » murmura-t-il. Mais déjà, le convoi s'arrêtait à la station de Cortlandt Street. Lord Stamford descendit et gagna le quai du Hudson. Un léger canot automobile attendait sous une des échelles du pier voisin. Lord Stamford s'y embarqua. Il faut croire que les deux hommes qui se trouvaient dans le canot l'attendaient, car l'embarcation démarra immédiatement et fila à toute vitesse vers Hoboken. Vers 3 heures de l'après-midi, le même jour, une vieille femme se présenta devant la porte principale de la Great German Laundry, la grande blanchisserie allemande de Hoboken qui a, ou plutôt qui avait, comme principaux clients les compagnies de navigation allemande desservant New York. « Je suis Frau Mina Hirtuk, » déclara la vieille femme au portier. « Je suis sans travail. Ne pourrais-je pas trouver un emploi ici? J'ai déjà une de mes amies, Frau Greta Zurlach. » « Rien à faire, la vieille !» coupa le portier avec une amabilité toute teutonne. Nous n'avons pas de travail pour les anciens. D'années guerre. Que Dieu punisse l'Angleterre. Revenez une fois la paix signée, si vous êtes encore de ce monde. Mais Frau Greta Zurlach a été embauchée hier, je crois. Ya, je sais, une vieille comme vous. Mais cela, c'est l'affaire des patrons, et non la mienne. Bonsoir. Ah, la vie est dure. Ne pourrais-je pas voir ma chère Mina, au moins? Il fait froid ici, et si j'attends jusqu'à ce soir, « j'y laisserai mes os. »« Ah, zo, vous n'y perdriez pas grand-chose, la vieille, » observa spirituellement le gardien, qui pourtant ajouta. « Restez là. Je vais voir si l'on me permettra à votre ami de quitter son travail pour venir. »« Comment est son nom ?»« Frau Greta Zurlach. »« Vous lui direz que c'est de la part de Frau Namina Hirtuk, du village de Treublich. »« Ya. » Le gardien ferma la grille, traversa la vaste cour et disparut dans un des hangars. Il revint bientôt, accompagné d'une vieille femme encore plus piteuse et calamiteuse que la première, laquelle vieille femme fixa Frau Mina Hirtuk d'un air méfiant et interrogateur et susurra. « Je ne vous connais pas. Que voulez-vous ? » « Je viens de la part du comte, » répondit Mina d'une voix basse et rapide. « J'ai tous les papiers possibles. Le comte vous attend avec le colis. Il dit qu'il faut absolument partir ce soir pour là-bas, car la justice est sur la trace. Prenez le colis et venez avec moi. » Ces quelques phrases produisirent un effet magique. Greta Zurlach se redressa violemment. De bossue qu'elle paraissait être, elle devint droite comme un nid, cependant qu'elle grommelait d'une voix rauque et tout à fait masculine. « Alors, nous sommes découverts. Du calme, Frau. Rappelez-vous que vous êtes une femme, et vieille, l'avertit Mina Hirtug. Allez prendre l'affaire et venez, le temps presse. Greta Zurlar, instantanément, reprit son aspect de femme difforme, au bout des lèvres. Elle fit comprendre à son interlocutrice qu'elle avait compris et fit demi-tour. Elle réapparut, moins d'un quart d'heure plus tard, avec un panier sous le bras. Une feuille de papier à l'entête de la blanchisserie qu'elle montra au gardien lui permit de franchir la grille sans difficulté. « Que s'est-il passé ? » demanda-t-elle à Mina, sitôt qu'elles se furent suffisamment éloignées pour ne pas être entendues. « Je ne sais, Frau. Le comte m'a dit de venir vous chercher sans me faire remarquer. Je suis un de ses amis. Nous prenons tout à l'heure le train pour la frontière mexicaine. Vous avez tout ?»« Tout. Mais vous êtes sûr que nous ne sommes pas filés ?»« Non, rien à craindre, du moins pour le moment. Car le comte dit que nous n'avons que le temps. D'ailleurs, une auto nous attend, non loin d'ici. »« Une auto ? Cela va nous faire remarquer. » « Non, c'est une voiture de louage. » Greta Zurlar ne répondit pas. Elle paraissait très préoccupée. À moins de 500 mètres plus loin, un taxicab de piètre apparence attendait au bord d'un trottoir. « Voici votre voiture, » fit Mina Hirtug, qui ouvrit la portière et s'effaça pour laisser monter sa compagne. Celle-ci s'assit après avoir installé le panier à son côté. « À la South Western Station, » souffla Mina au chauffeur. « Et vite, hein ?» L'auto s'ébranla. Tandis que Mina, sans façon, s'asseyait en face de sa compagne. Pendant les premières minutes qui suivirent, les deux vieilles femmes, ou soi-disant elles, n'échangèrent que quelques rares paroles. Greta Zurlar semblait mal à l'aise. « Le comte est à la gare ? » demanda-t-elle enfin. « Naturellement. Il est dans un wagon de première. Il sera à la portière et nous fera signe des yeux. Mais prudence !» Ce furent à peu près les seules paroles échangées. L'auto étant arrivée devant la gare de la South Western Railroad, les deux femmes descendirent. Mina Hirtug s'était munie de billets à l'avance. Les voyageuses n'eurent donc pas à attendre au guichet. Elles pénétrèrent sur le quai et s'arrêtèrent devant un long train en partance. Elles le longèrent depuis la locomotive jusqu'au fourgon de queue. « Je ne vois pas le comte, » remarqua Zurlar, soupçonneuse, après avoir examiné les wagons. « Nous sommes en avance. Il ne doit pas être encore arrivé. Peu importe d'ailleurs, installons-nous. Le pire qui puisse nous arriver, c'est que nous nous fassions remarquer. » Sans enthousiasme, Greta Zurlar suivit sa compagne dans un compartiment de troisième classe. Elle plaça son panier sous la banquette et s'accouda à la portière dans l'espoir d'apercevoir le comte. Elle en fut pour ses frais et tressaillit soudain en entendant vibrer la cloche du départ. « Il n'est pas venu. Qu'est-ce que cela veut dire ? » s'écria-t-elle à l'adresse de Mina Hirtug, tandis que le convoi s'ébranlait. « Nous n'avons peut-être pas vu, » la rassura Mina. Mais il est sûrement dans le train. Nous nous en assurerons à la prochaine station, dans une heure. » Greta Zurlar pinça les lèvres et ne répondit pas. Mais sa main droite s'enfonça dans la poche de sa jupe. Mina Hirtug vit ce mouvement et ses yeux brillèrent. Sans mot dire, elle alla fermer à l'aide d'une clé qu'elle possédait, la porte faisant communiquer le compartiment avec le couloir intérieur du wagon. Puis, se retournant vers Greta Zurlar, elle murmura d'une voix tout à fait masculine, « Comme cela, nous sommes sûrs de ne pas être dérangés. D'autant plus que j'ai loué le compartiment en entier. Il ne nous reste plus qu'à nous expliquer. « Mon cher Raphaël de Ulloa, je vous prie de bien vouloir me remettre le contenu de cet excellent panier. »« Canala maldita !» gronda l'attaché à la légation chilienne de Berlin, devenue livide. « Tu es muerto !» Canaille maudite, tu es mort. Et en même temps qu'il parlait, il se dressa brusquement et leva sa main droite armée d'un long stylet. Mais la pseudo Mina Hirtug devait avoir prévu ce mouvement, car elle bondit en arrière et saisit la sonnette d'alarme d'une main, tandis que de l'autre elle braquait un mignon Browning sur le chilien. « Hands up !»« Main en l'air !» fit la soi-disant Mina. « Où je tire la sonnette ! Le train s'arrêtera et je raconterai l'histoire du König Harald. »